21h02 à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, on est encore ensemble pour une heure et demie. On est en direct dans les studios et après cette doublette bien qualitative, ma foi, Siloussa Troum, c'était une découverte et je me suis ajouté direct dans les trucs à écouter parce que du coup il y a un premier album à se coller dans les oreilles aussi. Et c'est l'heure d'à nouveau retrouver Thibaut pour le second focus de l'émission de ce soir et on va parler du rock. Ouais, complètement, retour aux États-Unis pour ce deuxième focus et retour dans le groove. Parce que s'il y a bien quelque chose, c'est que ça groove aussi. Alors ça groove, c'est du rock, c'est rock'n'roll de ouf. Midnight, la formation qui nous vient de l'Ohio, un groupe formé en 2003. Projet solo, entre gros guillemets, du multi-instrumentiste Jamie Walters, alias Atnar. Oui. C'était ça que tu voulais dire ? Oui. Voilà, on est sur une formation qui fait du Black Speed. C'est complètement old school dans l'approche. C'est juste du rock'n'roll de ouf. Ouais, c'est ça, parce que t'as c'est la grosse base, c'est du rock'n'roll. Il y a un petit peu de black dedans, il y a un peu de trash, il y a un peu de heavy, il y a un peu de punk. Et ça nous fait du Midnight. Ouais, complètement. Une formation, donc, comme je disais, en 2003, qui a été suivie par plusieurs démos, 3 EP. Et ça a attendu jusqu'en 2011 pour la toute première sortie, Satanic Royalty. Par rapport à ce que vous allez écouter ce soir, c'était... Je trouve qu'il y a vraiment deux périodes dans le groupe aujourd'hui. C'était beaucoup plus mélodique, beaucoup plus heavy ce qu'ils proposaient. C'était génial. Vraiment super chouette. Pour un premier album, c'était grosse claque. Oui, ça tapait fort d'entrée de jeu. 2014, No Mercy for Mayhem. De loin, le plus crade de tous les albums qu'ils aient proposés. Même au niveau du son, ça crépite de ouf. Hein. C'est vraiment dans le... Comment dire ? Ouais, c'est old school de ouf et ça sonne à l'ancienne. Sans aucun doute, mon préféré. C'est vraiment celui que j'ai adoré. Suivi en 2017 de Sweet Death and Ecstasy. C'est peut-être l'album que j'aime le moins. Il marque un peu la transition entre les deux et j'aime pas le son en fait de l'album. Je trouve qu'il a un son très particulier celui-ci. 2020, Rebirth by Blasphemy. C'est là où on rentre pour moi dans la seconde partie de l'histoire du groupe, on va dire. Moins mélodique, plus rock'n'roll, beaucoup plus de place au rythmique, vraiment faite pour être entraînant et comment. D'où l'intégration de pas mal d'éléments D-beats, très punk, presque crusty speed trash. Ouais, voilà, et du coup on perd un peu l'aspect mélodique, mais moi j'aime énormément. Et donc 2022, Let There Be Witchery, une sortie chez Metal Blade. Cependant. Voilà. Que dire, dans la continuité du précédent, de ce côté-là, on n'est pas trop perdu à l'écoute. C'est toujours aussi rock'n'roll. Et je pense que pour définir le groupe, faudrait dire qu'on se trouve dans un espèce de mi-chemin entre du Venom et du Motorhead. Parce qu'il y a ce côté vieux Black Speed de la première vague. Et à côté, ce côté ultra rock'n'roll qu'on a dans Motorhead. Notamment le son de basse. Complètement, ouais. Et c'est... Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est... Oui, puis le groupe fait du live, hein, parce que du coup, il y a des live sessions qui accompagnent Athénard. Et ça tourne beaucoup. Et pour ceux qui ont jamais eu l'occasion de les voir, n'hésitez pas à choper des vidéos sur YouTube ou même à écouter, ils ont sorti un album live et voilà, ça claque dans tous les sens et c'est le rock à tous les niveaux. Ouais, l'album se fait plus crade, je trouve, que le précédent. On a une richesse de compos qui augmente encore et non pas que le ce qu'il y avait avant c'était pauvre. Justement, c'est là où c'est assez paradoxal, c'est qu'au niveau composition c'est ultra riche de ouf et pourtant c'est ultra frontal. Donc je trouve que c'est la musique qui est loin d'être simpliste, c'est pas répétitif. Et justement, ce que je fais comme reproche sur les albums, c'est que c'est finalement assez court. Et ils ont 5 albums, on fait le tour de la discographie en 2h30. Et au final, c'est 3 fois rien, quoi. On fait le tour du truc et on voit pas le temps passer. Simple et efficace. Ouais, complètement. Et bien, Midnight, on va s'écouter du coup, puis clôturer le focus avec le titre que tu as choisi pour ce soir. Ouais, pour ce soir, du coup, j'ai choisi In Sinful Secrecy. C'est parfaitement représentatif, je vais avouer que c'est pas mon préféré, mais mon préféré on l'a déjà diffusé, donc allez écouter également Nocturnal Molestation, qui est incroyable comme morceau. Mais voilà, petit morceau pour ce soir. Et Midnight pour illustrer le focus, c'est parti. Et voilà donc le titre pour illustrer le focus de Midnight. Et c'est vrai qu'on se le disait en off, c'était une phrase à moi, mais ça je l'avais oublié. Au début de la carrière de Midnight, ils tournaient avec Revenge. Maintenant, ils sont plutôt du genre à tourner avec Venom. Voilà, moins de mélodie, plus de frontal. Et cependant, voilà, ça s'agit, entre gros guillemets, musicalement, mais ça reste toujours ultra cool à s'écouter. Ouais, bah complètement. Là, je choisis sur ce morceau-là, il manquait un petit oh! Oui! Pour à un moment ou à un autre. Pour tuer le truc, parce que c'est un peu la marque de fabrique du style. Complètement. Mais non, tout l'album est excellent. Fondamentalement, c'est pas leur meilleur. Hein. Si vous devez commencer peut-être par leurs trois premiers qui vous donneront une autre ambiance. Je dis pas que c'est pas fondamentalement les meilleurs, c'est deux périodes différentes. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Le deuxième album, jetez-vous sur le deuxième album. Et bah écoutez celui-là aussi, achetez-le si vous en avez envie. Tout de même. On enchaîne avec une entrée dans l'aspect française. Pas beaucoup de groupes, mais des morceaux assez longs dans l'aspect française. Avec tout d'abord Véhémence, ça fait partie des nouveautés de ce soir. Groupe de médiéval Epic Black signé chez Antique Records. Une sortie qui nous vient de l'Île-de-France. Troisième album studio appelé Ordalise. C'est très riche, comme, enfin, c'est du, vraiment du pur black metal français dans le style, vraiment les lettres de noblesse du black français. Des morceaux assez longs, hein, à part les interludes instrumentales qui font une poignée de minutes. Sinon, on est sur des morceaux qui font entre 7 et 8, 10 minutes. Voilà pour Véhémence, l'album est déjà dispo. Et ensuite, en doublette avec Véhémence, Altarossa. Altarossa, c'est une... Qu'est-ce qui fait du bruit, lui ? C'est un changement de style, puisque là, on est sur quelque chose d'un peu plus moderne, un peu sludgy. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Altarossa ? Ça nous vient de Besançon, précisément. Le groupe a vu le jour en 2020. Et ils sortent là leur premier album studio, Void of an Era. Et c'est une sortie sur Saturn Records, d'ailleurs, pour finir les infos. De Feu et d'Acier, le titre de Véhémence, Dawn Will Never Rise de Altarossa. 21h25 à la pendule de Radio Béton et on est toujours en train de dérouler tranquillement l'aspect française et on va s'envoyer une petite nouveauté. Mais avant ça, on a plein de concerts à annoncer. Des quoi ? Oui, des concerts live and direct dans des vrais lieux avec des gens qui puent, qui sont sales, qui font du bruit, qui savent pas se comporter correctement. Et voilà. Non, ça va être génial. Oui. Vendeur. Ah, ça manquait presque, dit. D'abord l'équipe sûre de Catharsis. Ouais, une première date le 1er avril avec Mort et Miasme. Ce sera au Cana. J'ai pas le tarif, mais ça va être 5 balles. Ça va être 5 balles au Cana. Voilà, c'est quoi ? J'avoue que j'ai même pas regardé les groupes, c'est du black metal en l'occurrence. C'est le premier live de cette formation All Star Band avec notamment des ex Antaeus dedans, c'est de l'espèce de brutal black. Voilà. Ok, bah nickel. Et voilà. L'autre, c'est un groupe mort qui nous vient de Rouen. Voilà, black là aussi. On est sur du black, c'est un side project des membres de Sorted. Ok, ça roule. Voilà. Pour les précisions. Voilà. Petite date au Cana, 1er avril, 5 euros. Ça dégage. Ouais. 6 avril ensuite. Bah, à peine une semaine après, direction le Raid, donc à Rochecorbon. Exact. Pour Dolch, accompagné de Human's Larve, Larvae, ouais. Je pense. Ouais. Qui apparemment va ouvrir pour Dolch vraiment en ouverture du concert. Et après, on aura une première partie avec Death Bell. Voilà. Dont on va parler dans une poignée de secondes. Ouais. Et un peu plus tard, le 2 mai, là c'est une annonce de date qui vient juste de sortir, c'est un lundi soir, toujours au Canadian, pour 5 balles. Bah ouais, Nervo Chaos en ouverture, et puis Merciless qui vient jouer au Cana. Voilà, Merciless, bien sûr, oui, le légendaire, le cultissime groupe des pionniers du death français que l'on avait eu à Gentiana en 2016, si ma mémoire est exacte, qui sera au Cana. Bon, c'est chouette de voir Merciless, ça aurait été encore plus chouette que à Tours nous ayons l'opportunité de les avoir dans de meilleures conditions. Après, c'est intimiste le Cana, faut voir ça comme ça. Si le groupe accepte d'y jouer, on va pas faire les fines bouches et on va y aller, tout simplement. Oh, il y a moyen que ce soit chouette, le dernier album était cool. Exactement. Accompagné Nervo Chaos, petit groupe brésilien de death metal aussi, et puis voilà, 5 euros, Cana. Exact. Et hier soir, on avait la release party de Beyond the Sticks qui a été une totale réussite. Hein. Le bateau ivre plein comme un œuf, chaud bouillant à 300 pelos. Et voilà, si vous n'y étiez pas, vous avez raté une chic soirée. Et l'autre grosse salle de Tours, le Temps Machine, qui accueillera le vendredi 20 mai, Regarde les Hommes Tombés. Venez. C'est tout. Oh, c'est presque subliminal comme propos. Voilà, la première partie n'a pas encore été annoncée, mais voilà, ce sera le vendredi 20 mai au Temps Machine et dans le cadre de la sortie, dans le cadre de la tournée, pardon, pour marquer la sortie de leur album qui est sorti l'année dernière, je crois. Troisième album. Ouais, où ils entament là la deuxième ou troisième partie de leur tournée, reportée après les multiples emmerdes bien connues de ces derniers mois. Retour à la musique avec donc Death Bell. Qui ouvrira la soirée du 6 avril organisée par Catharsis au Raid à Rochecorbon en ouverture de Dolch. Death Bell, c'est une formation de Doom qui nous vient de Toulouse. Donc en fait, le but du jeu, c'était pendant que je m'étouffe, toi, tu prennes le relais. Non, je te laisse dans ton truc. Et ben voilà, et ben Death Bell, c'est du Doom et ça nous vient de Toulouse. Ils sortent leur nouvel et second album studio Nocturnal Crossing. Death Bell, donc voilà, très belle actualité. Et puis du coup, ça va coller avec également la venue de Dolch. On s'écoutera le titre Devoured in Peak. Et ensuite, tu souhaitais donner un petit mot sur Archville King, qui est en doublette avec Death Bell. Ouais, bah un groupe, une petite sortie nantaise là pour c'est un one-man band. Et, ouais, c'est les acteurs de l'ombre. Au hasard, c'est les acteurs de l'ombre. Non, mais ils ont été dans l'œil pour avoir un focus, ils l'ont pas eu. Allez dire sur notre page Facebook, ils ont eu un spotlight la semaine dernière ou courant de la semaine. Non, c'était courant de la semaine, je sais plus. Et non, le super bon album de black metal, c'est mélodique, incisif, ultra prenant, percutant. Et ça a une espèce de French touch black metal que, comme j'aime. Voilà, c'est une très bonne sortie à écouter. Donc on se l'écoute. Du coup, Archville King Vepre, extrait de nouvel album À la ruine. C'est parti, juste avant ça, Death Bell. We'll be right back. On va tranquillement glisser à coups de pied sauté en dehors de l'aspect française et puis faire un dernier petit rappel pour une date à venir à Tours dans les semaines à venir. Une dernière nouveauté dans l'aspect française, Parjure, le groupe de Beatdown lyonnais. D'Annecy, pardon, pour lyonnais. Non, c'est qu'on les voit beaucoup du côté de Lyon, mais ils sont originaires de Annecy. Le Quatuor nous sort son premier album studio véritable, parce qu'avant ça, il y a eu deux EP, The Uncrowned King. On est parti pour 1 minute 30 où vos neurones peuvent aller se reposer, hein. Un album hautement qualitatif avec quelques feats bien sentis. On a notamment deux feats venus du Québec avec Guerre et Get the Shot. Et nous avons les Espagnols de Brother Till We Dies. L'album est sorti aujourd'hui. Faut que je me l'écoute et on aura le temps d'en reparler dans les semaines à venir parce que Parjure, c'est toujours ultra quali. Et après cette minute 30 de folie, on va pouvoir recoller les morceaux de nos corps et de notre esprit avec un extrait du nouvel album de Dolch. Ouais, nouvel album apparemment qui change pour le coup, j'ai pas encore pris le temps de l'écouter du tout, mais qui change complètement de ce qu'ils avaient proposé précédemment, parce qu'avant ils étaient plus sur des ambiances black drone doom, un peu de tout, j'ai pas le mot. Moi je l'aime, mais c'est beaucoup de travail d'ambiance et de ça, et là ils ont retirer beaucoup d'éléments de ce qui faisait autre chose que de l'ambiance, et il part de ce qu'on m'en a dit vers quelque chose qui a un mélange un petit peu musique goth, dark wave, donc on va retrouver une The Cure en fait, d'accord, pardon, The Cure du coup, je passe en tout cas à écouter, parce que je pense que pour les amateurs du genre c'est quand même un plaisir, parce que Dolch c'est très très bon ce qu'il propose en général. Après, ça parlera pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même du très bon travail. Et en tout cas, écoutez au moins l'album précédent qui est excellent. Et du coup, c'est ça que j'étais en train de regarder. C'est le second album studio de la formation allemande, sobrement intitulé Nacht. Dolch, le titre Tonight, l'album s'appelle Nacht. Hein, voilà, bon. Une sortie Van Records, et juste avant ça, les Français de Parjure pour clôturer l'aspect française. C'est parti. Allô, on se réveille. Voilà, c'est un extrait du nouvel album de Dolch. Il est 21h50 à la pendule de Radio Béton. La nuit n'est pas commencée. On continue ? Ouais. Troisième focus ? J'étais déjà parti, moi. Hein, je... non. Ah, on est critique, on est méchant, mais bon, si on diffuse, c'est pas pour rien non plus. Non, non, non, et puis... on cherche encore, enfin, je cherche encore pourquoi, mais c'est pas pour rien, quoi. Non, mais là, pour en avoir écouté ce morceau-là, en fait, je l'avais écouté et... c'est pas du tout ce qu'ils proposaient avant, mais pour le coup, moi je pense que je prendrais un album sans aucun doute à écouter vraiment dans certaines conditions, voire en live pour le coup. En tout cas, je vais me pencher dessus, aller jeter vraiment une oreille de ce qu'il y a dedans. Si c'est ça pendant tout l'album, ça risque d'être un peu chiant. Ah là, il paraît qu'il y a un morceau qui sont encore plus longs, plus lents. On verra. Non, non, on mais prendra c'est... le temps d'écouter quand même. Voilà. Du coup, changement de style, Venator. Le groupe autrichien de heavy metal, tout simplement. Heavy Revival, pour être exact. Un album qui s'appelle Echoes from the Gunter. Donc, Venator, alors, c'est pas Echo de Gunter, hein, Gutters. Gutter. Ouais, c'est pas parce qu'ils sont autrichiens que ça s'appelle Gunter. Hein, j'ai pas noté le S. Je m'excuse. Non, c'est juste qu'il y a deux T en fait. Il y a pas de N, il y a deux T. C'est Echoes from the Gutters. C'est pas grave. C'est pas facile tous les jours de bosser avec des gens. Donc une formation en 2016, un premier EP sorti en 2020, qui était déjà très bon avec un son plus old school, je trouve. Personnellement, j'ai quand même moins aimé, même si ça reste du taf acceptable, ça s'écoute. Mais rien à voir avec ce nouvel album. Une sortie sur le label Dying Victims, un label qui est à surveiller de très près. Où on avait notamment eu la sortie du dernier Executor qui était dessus, donc qui était excellent également. Et je pense que je connais pas tout dans la liste, mais les noms qui ressortaient, ça avait. Il y a pas cool. Notamment Sacrificer, le groupe de speed trash français. Je sais pas, j'ai pas. Je me demande s'ils sont pas dans la même écurie ceux-là, mais enfin ouais. Voilà, un petit label effectivement avec de chouettes formations dedans. Ouais. Sur le line-up du groupe, on n'a pas grand chose à en dire parce que ça a l'air d'être une formation vraiment jeune et deux jeunes. Parce que. Quoi ? Ah, je l'ai pas. Non, j'ai confondu avec un truc, non, pardon. Non. Enchaîne. Non, non, ils sont tout jeunes, ils ont la vingtaine et tout. Et c'est là où c'est ouf, c'est que bah, pour un premier album/slash premier EP juste avant, la qualité de ouf qu'ils sont capables de proposer. Ils proposent de la musique qui revival d'une époque où ils étaient pas nés du tout. Complètement. Alors, est-ce que c'est la musique de leur daron ? Ils ont grandi ah non, avec, pas douter. Avec la musique de papa et de maman, peut-être. La pochette, elle est parfaitement en adéquation avec son jus d'époque. Dans son jus d'époque. c'est un style un peu aérographe. Moi, je suis pas ultra fan de la pochette en elle-même. Je vais être honnête dessus. Je trouve qu'elle colle complètement à l'album, mais sans plus, de mon côté, je l'ai pas trouvé plus que ça, pour être complètement honnête avec le travail qui a été fait. Maintenant, ça reste quand même du bon taf, hein, faut pas se mentir. Que dire sur leur musique ? C'est ultra entraînant, c'est du heavy metal revival. Il y a une petite touche de new wave britannique. C'est là. Dolch et derrière, il y a plus rien, à en sortir quoi. Une petite touche de new wave britannique. Par-dessus, donc on trouve vraiment quelque chose d'extrêmement mélodique et tout. Voilà, par rapport à l'EP, je trouve que le son il est parfaitement équilibré, c'est beaucoup mieux mis en avant. Les compositions sont ultra riches aussi. Je répète souvent ça, mais bon, c'est quelque chose que je recherche aussi au niveau de la musique. Que dire d'autre ? Les instruments. Il y en a, tout à fait. Non, mais les compos, en fait. Ça peut paraître basique à la première écoute, et en fait, dès que tu tends un peu l'oreille, tu te rends compte qu'il y a des fioritures partout dans le travail. Et puis le travail du vocaliste qui est extraordinaire. Le vocaliste et la batterie, t'as ce pattern très heavy metal et tout, et tu tends l'oreille, le jeu de guitare et tes espèces de sons de rail qu'il y a derrière sur certains morceaux, tu fais, mais il y en a partout okay. En fait. Non, mais c'est. Voilà. Moi, et il y a un mix. Le mix joue énormément, je trouve, dans les morceaux, parce que c'est tout juste, en fait tout est vraiment juste l'écoute. L'équilibre il est vraiment très très bon, et puis ouais, j'insiste vraiment sur ce vocaliste au poumon d'acier, à la glotte musclée, parce que c'est très très très très chouette. Ouais, complètement, que dire d'autre, ouais. C'est quali de ouf, ça te prend au trip, c'est des jeunes qui s'éclatent, et qui comment dire le truc parce que j'ai pas bah, ils rendent hommage. Ils ouais, rendent hommage, ils rendent hommage mais à une époque qu'ils ont pas connue. Ouais. Et ouais, c'est des jeunes qui s'éclatent et qui sont à fond dedans et on sent que c'est investi, c'est fait avec les tripes. C'est fait par des jeunes qui ont découvert ça et qui sont passionnés de ce truc-là. C'est pavé de bonnes intentions, de pavé dans la gueule. Venator, Echoes from Gunter. Et on s'écoute le titre que t'as choisi. Ouais, Seven Seal. Le morceau est entraînant de ouf. C'est incroyable ce refrain qui te reste dans la tête. Le chant, il est d'une richesse dingue. Et bah, y a tout ce qu'il faut. Les solos, des espèces de montées suraiguës. Le genre de projet auquel j'accroche de ouf. Le bon là. Eevee Scream qui ouais. Va bien. Complètement, et puis ouais, vous penserez à moi en vous endormant avec le refrain dans la tête. Allez, c'est parti, Venator.